En espagnol, tout comme en français, on emploie beaucoup le présent pour exprimer le futur. On dira par exemple « Nous nous voyons la semaine prochaine » ou « Le llamo más tarde » « Je vous appelle plus tard hein? »« Le llamo mañana » « Je vous appelle demain » etc. Bien sûr, dans ces cas-là, si vous employez le présent, il vous faut donner un élément pour indiquer que vous parlez du futur. Par exemple, « mañana hein? » « demain » ou « más tarde hein? » « plus tard ». Par exemple, « le veo mañana » ou « le veo más tarde » ou « je vous vois la semaine prochaine hein? »« le veo la semana » semaine, c'est semana, la semana que viene, hein, la semaine qui vient, c'est-à-dire la semaine prochaine. Alors, appeler, c'est llamar. Donc, je vous appelle demain, hein, vous vous adressez à usted. Llamo. Encore une fois. Llamo. Llamo, je vous appelle. Llamarle. Non. Non, non. Comment dit-on acheter? Comprar. Comprar. J'achète. Compro. Compro. Je l'achète. Lo compro. Lo compro, oui. Je les achète. Los compros? Non. Los compro. Los compro. Et je dis... Digo. Digo. Je le dis. Lo digo. Lo digo. Je vous dis, hein, a usted. Le digo. Le digo. Je te dis. Te digo. Te digo, oui. Et j'appelle. Llamo. Llamo. Hein? Et je t'appelle. Te llamo. Te llamo. Je vous appelle. Hein? Vous vous adressez à vous, à usted. Le llamo. Le llamo, c'est ça. Hein? Donc, je vous appelle demain. Le llamo mañana. Voilà. Hein? Le llamo mañana. Il est donc très courant en espagnol d'employer le présent pour exprimer le futur. Mais, là encore... comme en français, c'est ce qu'on emploie aussi beaucoup en espagnol pour exprimer le futur, c'est le verbe « aller ». Par exemple, « je vais vous appeler demain ». Ça donnera en espagnol « voy a... » vous appeler « llama ». Appeler, c'est « llamar ». D'accord. « Llamarle ». D'accord, très bien. Alors, encore une fois, je vais vous appeler demain. Voy a llamarle mañana. Oui, voy a llamarle mañana. Voy a llamarle. Donc, on utilise le verbe aller suivi de a et de l'infinitif. Voy a llamarle. Alors, nous restons quelques jours. Nos quedé. Quedamos. D'accord. Nos quedamos. Quelques, c'est-à-dire plus d'un. Unos días. Bien. Nos quedamos unos días. Mais vous pouvez dire aussi, nous allons rester quelques jours. Vamos a quedarnos. Bien. Vamos a quedarnos. Unos días. Unos días, c'est ça. Vamos a quedarnos unos días. Alors, comment dire à quelle heure on se retrouve demain? C'est-à-dire, à quelle heure nous voyons-nous demain? A qué hora? A qué hora nos vemos mañana. C'est ça. A qué hora nos vemos mañana? À quelle heure nous vemos mañana? À quelle heure nous voyons-nous demain? À quelle heure on se retrouve demain? Mais vous pouvez aussi dire à quelle heure allons-nous nous voir demain? ¿A qué hora? ¿A qué hora? Allons-nous? Vamos a. Oui, vamos a. Nous voir. Vernos. Vernos, c'est ça. Demain. Mañana. D'accord. ¿A qué hora vamos a vernos mañana? ¿A quelle heure allons-nous nous voir demain?